إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes arrivés au hadith numéro 9. الحديث التاسع صدق الإيمان, la foi véridique, la véracité dans la foi. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه البخاري ومسلم. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera croyant, ne sera véritablement croyant, pleinement croyant, jusqu'à que je sois plus aimé auprès de lui que ses propres enfants, ses propres parents et tous les gens. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rawi Al-Hadith. Le rapporteur du Hadith. تقدمت ترجمته في الحديث السابع. Nous avons parlé de lui brièvement. On a vu sa biographie. On a parlé de ce compagnon, Anas ibn Malik, lorsqu'on a étudié le hadith numéro 7. C'était le cours précédent. Parce que dans le cours précédent, on avait le 7e et le 8e hadith ensemble. Al-Sharh al-Ijmali lil-Hadith. Commentaire global, général du hadith. لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة. Donc une personne ne sera véritablement croyante, pleinement croyante, croyante comme il se le doit, que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit le plus aimé auprès de lui que toute autre personne avec qui il a des liens, soit des liens un proche, des liens de parenté de par le sang, ou des liens d'amitié, ou des liens c'est-à-dire par intérêt. Quelle que soit la relation, quel que soit ce qui te lie à une personne, tu n'auras pas le droit de l'aimer plus que l'amour qu'on donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète alayhi salatu wa sallam est un amour qui dépasse tous les amours qu'on donne à une créature. فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة ويفوق حب أفلاذ كبده ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا. Donc, lorsque son amour dépassera, sera au-dessus de l'amour qu'il doit avoir pour ceux qui l'ont engendré et qui l'ont élevé parmi les pères et mères, les grands-pères et les grandes-mères. Un amour qui dépasse ses propres enfants, sa propre progéniture, sa chair, son sang, qui dépasse l'amour de l'épouse, l'amour de la fratrie, de la famille, de la tribu, et toute personne avec qui il a des liens, que ce soit des liens sociaux, des liens politiques, des liens commerciaux, ou tout autre lien ou intérêt. Lorsqu'il aura atteint cette situation-là, que son amour pour le prophète dépasse tous ses amours, alors à ce moment-là, il sera un véritable croyant. À ce moment-là, il sera un véritable croyant. وَعَلَامَةُ ذَلِكَ. Et le signe de cela, car comme vous le savez, en islam, on nous enseigne la réalité même des choses. Les choses ne s'arrêtent pas seulement sur des paroles, des prétentions. Toute personne peut prétendre. Mais il y a des signes qui viennent confirmer, prouver ses propos, ses paroles, ses prétentions. Sinon, si cela s'arrêtait qu'à la parole, chacun pourrait prétendre ce qu'il veut. Mais face aux signes qui viennent les prouver, on voit la personne véridique du menteur, du prétentieux. À Médine, des juifs, il y avait des tribus juives à Médine, et ils prétendaient, ils parlaient en disant: nous, on aime Allah, nous avons l'amour d'Allah, nous sommes les bien-aimés d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset qu'on appelle le verset de l'examen, le verset de l'épreuve. C'est bien beau ce que vous dites, mais est-ce que c'est conforme à la réalité ou pas? Allah révèle: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ces personnes qui viennent prétendre l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, si vraiment vous aimez Allah, alors voilà l'épreuve. Suivez-moi, suivez le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. À ce moment-là, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés, car il est le pardonneur et il est le miséricordieux. Il en est de même pour toute personne qui vient prétendre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à l'épreuve. Est-ce que réellement tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu appliques les ordres du prophète alayhi salatu wa sallam? Est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toi, elle est au-dessus des paroles de toute créature, quelle qu'elle soit? Ou alors, lorsqu'on vérifie, c'est tout le contraire. Donc il y a un problème. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est véritable, on le verra. Dans tes paroles, on le verra dans tes actes. On le verra dans ton suivi, dans ta pratique. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas d'inventer dans la religion, d'innover dans la religion. Au nom de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a interdit et a mis en garde contre le fait d'inventer dans la religion, contre le fait d'innover dans la religion. Donc, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu contredis le prophète alayhi salatu wa sallam et tu désobéis au prophète alayhi salatu wa sallam. On arrive à des époques où ceux qui appliquent le moins la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui oublient les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les ignorent, viennent prétendre avoir un amour plus grand que ceux qui étudient la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étudient les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui cherchent à ressembler et à imiter le prophète alayhi salatu wa sallam. Le monde à l'envers, subhanallah. Qui viennent prétendre que l'amour, c'est une chose qui est à l'intérieur de la personne, mais qu'il n'y a pas besoin de le faire montrer extérieurement. Il sépare entre l'intérieur et l'extérieur. Alors que l'intérieur et l'extérieur de la personne vont de pair. Ils sont ensemble. Si l'intérieur il est bon, l'extérieur il est bon. S'il est mauvais, il sera mauvais. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Ala wa inna fil jasadi mudra. Idha salahat, salaha al jasadu kullu. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Et il y a à l'intérieur de la personne un morceau de chair. Si il est sain, c'est tout le corps qui le sera. Si il est bon, c'est tout le corps qui le sera. Et si il est mauvais, c'est tout le corps qui le sera. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc, c'est compatible, ça va ensemble. L'intérieur et l'extérieur. Ça, ce sont des règles que jamais Allah n'a révélées, n'a fait descendre, qui n'ont jamais été enseignées par les prophètes. De faire croire aux gens que l'intérieur peut contredire l'extérieur. Subhanallah. Ça, c'est faux. Au nom de ce genre de règles, les gens veulent être tranquille, personne ne leur dit quoi que ce soit, puisqu'ils diront à chaque fois comme réponse, mais dans mon fond, je suis bien. À l'intérieur, je suis bien. Mon cœur, il est blanc. Comme ça, il applique pas, ce n'est pas un problème. Il ne pratique pas, ce n'est pas un problème. Et même, ils vont te faire croire, ils vont te ramener cela, que lorsqu'ils sont face à des gens qui appliquent, ils disent, il se peut que je sois meilleur que lui. Voilà. Et donc, ils vont chercher les défauts de ceux qui font l'effort d'appliquer et chercher les qualités, entre guillemets, de ceux qui ne pratiquent pas. Ça, c'est une maladie. C'est comme lorsque des gens s'attardent sur les défauts qu'ont les musulmans en terre d'islam et s'attardent sur ce qui apparaît comme qualité qu'ont les mécréants dans leur terre. Hein, on entend des gens dire, c'est un mécréant, ouais mais quand même, il a ça, il a ça, il a ça, en bien. Et lorsque c'est les musulmans, ouais mais de l'autre côté, il a ça, il a ça, il a ça, en mal. Ça c'est un mauvais comportement. Parce que le musulman, il peut avoir des défauts. Et on ne défend pas ses défauts et ses erreurs et ses fautes et ses péchés. Loin de là. Mais il a le meilleur des biens qui est la ilaha illallah. Et de l'autre côté, quels que soient les bons comportements que peut avoir un mécréant, il a le plus grand des maux. La mécréance et le polythéisme. C'est incomparable sur la balance. Laquelle balance ? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas la balance des gens. Les gens ne savent pas peser. Ils n'ont pas la bonne balance. C'est pour ça le problème. Il vient de là le problème. Subhanallah. Il vient de là le problème. Il y a des gens, tu leur dis, un tel, il a commis la fornication. C'est grave la fornication. C'est un grand péché. Mais il n'est pas sorti de l'islam. On lui dit, il est parti dans le mausolée, hein, pour faire des choses auprès de la tombe du Wali. La réaction de la personne, elle ne sera pas la même. Alors que dans la balance d'Allah, cette action, elle est pire que l'autre. Mais les gens ne savent pas. Mohammed ibn Abdul Wahhab, Cheikh al-Islam, rahimahullah. Il est rapporté que des élèves lui ont dit, c'est bon le tawhid, on l'a compris. À force de répéter, on l'a compris. Alors que l'enseignement du tawhid, tu en as besoin toute ta vie. Tu n'es pas à l'abri. Tu ne sais pas comment Satan, ce qui t'a préparé comme piège. À chacun, c'est comme s'il étudiait la situation de chaque personne. Où sont les points faibles de cette personne? Le point faible d'un tel, ce n'est pas le point faible de l'autre. Et chacun, où est-ce qu'il l'attend? Subhanallah. Et à quel moment? Donc, un bon musulman qui craint son Seigneur ne se sent jamais à l'abri. Ne se sent à l'abri qu'une personne perdue. Il espère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah va le préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi salatu wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le plus pieux des hommes, le plus créatif d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il demande à Allah de ne jamais le laisser s'en remettre à sa propre personne, même pas le moment du clignement de l'œil. Et on a des gens, ils pourraient même demander des jours. Ils se sentent tellement garantis, il y a une garantie comme si. Ils se sentent en sécurité. Ils ont une assurance. Wallahu al-musta'an. Et c'est pour ça que les plus grands craintifs d'Allah, ce sont les savants. Avec ce savoir, ils ont plus de crainte que celui qui a moins de savoir. Donc, Muhammad Abdu'ab, rahimahullah, qu'est-ce qu'il leur dit? Il entend ce que disent les élèves. Et il vient un matin leur dire, il s'est passé quelque chose de grave. Ils lui ont dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a eu des relations avec sa propre mère. Ah, les gens, ils n'en revenaient pas. C'est atroce ce qui s'est passé. Et ils ont montré leur mécontentement, leur désaveu, de la plus grande des manières. Puis une autre fois, il leur dit, il y a une personne, il s'est passé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne, elle a acquis un nouveau logement et avant d'entrer dedans, il a égorgé une poule, un coq, une bête. Vous savez pourquoi il y en a qui font ça? Ils disent que c'est le moyen de faire fuir, de faire sortir les démons de la demeure. Donc il faut égorger une bête pour eux, pour qu'ils puissent te laisser tranquille entrer dans cette demeure. Et ils n'ont pas été contents. Mais ils n'ont pas montré une gravité de la chose comme ils l'ont fait pour l'autre histoire. Alors que la première, bien que c'est très grave, c'est un péché. Et le second, c'est du polythéisme qui fait sortir de l'islam. Donc les gens, comment ils jugent? C'est d'eux-mêmes, quand ils jugent, ils ne jugent pas avec la vraie balance. Avec la vraie balance. طيب وعلامة ذلك et le signe de cela أن يقدم طاعة الله ورسوله على كل طاعة غيرها. Le signe de cela, c'est de faire passer en premier lieu, avant toute chose, l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam sur toute autre obéissance. Car l'obéissance que tu donnes à autre que Allah, à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle entre, elle doit entrer dans l'obéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, son prophète alayhi salatu wa sallam, nous demande d'obéir au gouvernant, est-ce que c'est une obéissance totale ou une obéissance qui est gérée, réglée, limitée? C'est une obéissance qui est limitée, c'est-à-dire dans les limites de la religion. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas dans cette obéissance une désobéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous demande d'obéir à nos parents. Cette obéissance aux parents, elle est totale ou elle est limitée? Elle est dans les limites de la religion. C'est-à-dire qu'on obéit à nos parents, on leur doit obéissance tant que cela n'amène pas à la désobéissance d'Allah ni de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance de l'épouse envers son mari, elle n'est pas totale aussi. L'épouse, en tant qu'épouse, obéit à son mari dans les limites de la religion, tant qu'il n'y a pas de désobéissance envers Allah et envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des règles à bien comprendre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, un appel qui est fait aux croyants. Ya ayyuha alladhina amanu. Dans les humains, il n'y a qu'une catégorie d'eux qui est interpellée, les croyants. Ce sont les soumis, qui croit en Allah et au jour dernier, et qui croit en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se doivent à ce moment-là de prêter oreille, car il y a derrière une demande. Une chose à accomplir, ils l'accomplissent. Une interdiction, ils s'en éloignent, ils s'en abstiennent. Une information, ils la prennent, et ils la reconnaissent, et ils la confirment, et ils l'acceptent. C'est toute vérité. Donc, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah. Obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Le ulama nous explique que le verbe obéir, ati'u, qui est un impératif, un ordre, donc, ce qui est demandé, c'est une obligation, car lorsqu'il y a un verbe à l'impératif, hein, la demande, elle est obligatoire, sauf si on a des textes qui viennent nous prouver que c'est seulement conseillé, recommandé. Sinon, à la base, ça c'est dans Usul al-Fiqh qu'ils enseignent ça, hein, qu'ils l'apprennent, donc que tout ordre, hein, d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en découle une obligation. D'accord ? Ça ne devient pas obligatoire que si on a d'autres preuves, d'accord, qui viennent nous démontrer qu'en fin de compte, cet ordre-là, il en découle seulement un acte conseillé, recommandé. Donc, un ordre, une obligation, obéissez à Allah, obéissez au messager. Deux fois le verbe l'était employé. Alors qu'il est demandé après d'obéir à qui ? À ceux qui détiennent le commandement. Mais le verbe n'a pas été réutilisé. Pour quelle raison? Parmi les sagesses, c'est que l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est indépendante. L'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est indépendante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui obéis, tu ne demandes pas c'est quoi la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne demande pas la preuve. Le prophète est une preuve en lui-même. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas quelle est la preuve du prophète. Mais ceux qui détiennent le commandement et entrent dedans, les gouvernants et les savants, comme nous l'expliquent les ulama, en expliquant le verset. Eux, on ne leur doit obéissance que selon les limites de la religion, dans l'obéissance d'Allah et de son messager. Elle dépend, elle n'est pas indépendante. Elle dépend de l'obéissance d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le verbe n'a pas été répété. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Et regardez la suite. Si jamais on ne s'entend pas, on diverge, on n'est pas d'accord, comment on fait? Comment se comporte un bon croyant à ce moment-là? Vers qui on se dirige? Quel est le moyen de savoir qui dit vrai, de qui dit faux? Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. S'il arrive que vous vous disputiez, vous divergez sur quoi que ce soit, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Retournez-le à Allah et à son messager. À Allah, à son livre, al Qur'an. À son messager, à sa propre personne, alayhi salatu wa salam, de son vivant et à ses enseignements, à sa sunna, à ses hadiths après sa mort, alayhi salatu wassalam. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ceci, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Un rappel aux croyants. Vous êtes des croyants. Vous n'avez aucun souci à revenir à Allah et à son prophète. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ceci est bien meilleur et de meilleure interprétation. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Oh vous qui avez cru, ne faites rien passer avant, ne devancez pas Allah et son messager. Rien, rien ne doit être mis devant Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Dans un autre verset, Allah nous dit: wa ma kana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et il n'était pas permis à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils viennent à décider d'eux-mêmes. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager ne fait que s'égarer d'un égarement évident. Lorsqu'Allah a décidé, on n'a plus rien à dire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tranché, a décidé, on n'a plus rien à dire. On est des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. On se plie à cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous ordonne, appliquez-le. Et ce qu'il vous interdit, éloignez-vous-en, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah, il est douloureux dans son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, on dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission, se détache du messager, après que la guidée lui soit clarifiée, lui soit montrée, et ne suit pas la voie des croyants, et au moment de la révélation du verset coranique, du Coran, les croyants, ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis pas la voie des croyants, ne suis pas la voie des compagnons. Nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans le feu de la Géhenne, et quelle mauvaise demeure. Et plein d'autres versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de se soumettre, de se plier aux ordres du prophète alayhi salatu wa salam. Wa alamatu dhalika an yuqaddima ta'ata Allah wa rasulihi ala kulli ta'atin ghayriha wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma yuhibbuhu jami'u an-nas. Et il met en avant, en premier lieu, ce qu'Allah et son messager aiment sur ce que les gens aiment. Ce qu'Allah et son messager aiment passe avant ce qu'aiment les créatures. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Thalathun man kunna fihi » وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Trois choses. Celui qui les aura réunis en lui, il aura goûté à la saveur de la foi. أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. Qu'Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui que quiconque. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ La yuhibbuhu illa lillah. Et qu'il aime son prochain, qu'il aime la personne, il ne l'aime que pour Allah. Wa an yakraha an ya'ud ila al-kufr ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakraha an yuqdhaf fi an-nar. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَا يُحِبُّهُ جَمِيعُ النَّاسِ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ وَلَوْ أَسْخَطَ جَمِيعَ النَّاسِ. Donc, et qu'il mette en avant ce qu'Allah et son messager aiment sur tout ce qui est aimé par les gens, que ces gens soient des proches ou des personnes lointaines, même si cela amène la colère de tous les gens. ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوفر فيه ثلاث خصال. C'est le hadith que je viens de vous citer. Et il ne pourra atteindre, trouver la saveur de la foi que s'il a réuni trois caractères, trois choses. كما في حديث أنس المتفق عليه. Comme cela est cité et relaté dans le hadith de Anas ibn Malik رضي الله عنه, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et le hadith, on l'a déjà cité. فإذا وجدت هذه الثلاث فعلا وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذا وجدت هذه الثلاث فعلا وجد بهن حلاوة الإيمان. Donc, lorsqu'on trouvera ces trois caractères, ces trois choses réunies, alors la personne aura goûté à la saveur de la foi. وَأَصْبَحَ لَا يَخْشَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et cette personne qui atteint ce degré-là ne craindra plus les reproches de quiconque. Les personnes qui ne sont pas contentes. D'abord, les créatures, tu ne pourras jamais les satisfaire tous ensemble. C'est comme à titre d'exemple les enfants. Les enfants, t'en satisfais un, d'autres ne sont pas contents. C'est la même chose, les créatures. Les êtres humains, c'est un groupe. Quelques personnes, ils sont contentes, d'autres qui ne sont pas contents. C'est comme ça. Tu ne pourras jamais. Donc ne te fatigue pas. Si tu crois trouver un moyen de satisfaire tout le monde, ça n'existe pas. On l'aurait su déjà. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la peine. Donc, hein, sois clément envers ta propre personne. Cherche ce qui plaît à Allah. Cherche à satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te suffit. Il y a des gens, tant mieux. Il n'y en a pas, tu n'as rien perdu. Dans ta tombe, tu seras tout seul. Et personne ne t'accompagnera. Et au Yawmul Qiyama, ça sera nefsi, nefsi. Chacun dira ma personne, j'ai rien à te donner. Hein? Déjà, ce jour-là, la personne, elle se sauve de son propre père, de sa propre mère, de sa compagne, de ses enfants. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. Chacun regarde sa propre personne. Donc, rappelez-vous ça, pour savoir que dans ce bas monde, ça ne sert à rien. Si d'aller faire plaisir à des gens amène la colère d'Allah, ces gens-là ne sont d'aucune utilité. Subhanallah. Ils ne pourront rien pour toi, même s'ils le voulaient. Que dire, ils ne le voudront pas. Subhanallah. Donc ça ne sert à rien. Donc cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les gens, en plus de cela, ils sont contents, tant mieux. Ils ne le sont pas, tu n'as rien perdu. Parce que si Allah il est avec toi, tu as tout gagné. Et Allah, il te suffit. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah dit dans le Coran, Alaysa Allahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Wallahi qu'Allah, il nous suffit. Subhanahu wa ta'ala. أصبح لا يخشى في الله لومة لائم ولا يبخل بنفس ولا مال في سبيل الله. Et celui qui atteint ce degré-là, il ne fera preuve d'aucune façon, d'aucune avarice. Barakallahu fik. L'avare, oui. Mais après, je confonds entre l'avarie et l'avarice. L'avarice, c'est quand il y a un problème dans quelque chose. C'est l'avarice. C'est E à la fin. C'est ça? L'avarice. Donc, il ne fera preuve d'aucune avarice, ni en sa personne, ni dans ses biens, dans ses richesses, dans le sentier d'Allah. Il dépensera dans le sentier d'Allah. C'est celui qui atteint ce degré-là. قال صاحب القول السديد. L'auteur de القول السديد, si je ne me trompe pas, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Al-Qawl al-Sadid, c'est un commentaire de Kitab al-Tawhid. Hein, ce sont des annotations sur Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah al-Jami'a. Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, il est connu. Hein, c'est un grand savant d'Arabie de la région de Al-Qasim. Il est décédé aux environs de 1957. À peu près 1957. Rahimahullah ta'ala. Parmi ses plus grands élèves, il y a le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et qui a pris sa place après sa mort. C'est lui qui a pris la place dans la mosquée, dans la ville de Unayza, donc Fil Qasim, dans la région de la province d'Al Qasim. Il a pris la place juste après la mort de son Cheikh et de son professeur, Cheikh Sa'di. Parmi ses grands élèves, il y a aussi le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam. Rahimahullah ta'ala. Cheikh Nu'uthaymin, il est mort début 2001, vers le janvier, je crois, mois de janvier 2001. Cheikh Al-Bassam, je crois qu'il est mort en 2003, si je ne me trompe pas, aux environs 2003. Et aussi un autre grand élève qu'a eu Cheikh Sa'di, c'est le Cheikh Abdullah Al-Aqil. Abdullah Al-Aqil, Rahimahullah, qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années là, peut-être 3-4 ans à peu près. Il était pratiquement centenaire. Rahimallah, un grand savant de Riyad. Rahimallahu al-Jami'a. Donc, le Cheikh Al-Sa'di, qui a, il est connu aussi pour son tafsir, hein, c'est un résumé, un condensé, d'accord, qui est en général, on le retrouve en un seul volume, hein, qui est très bien et facile d'accès, qui s'appelle Taysir Al-Karim, Taysir Al-Karim Al-Rahman, fi tafsir Kalam Al-Mannan. Donc, c'est un tafsir. Et certains ulama disent que c'est le résumé, hein, c'est le fruit du tafsir d'Ibn Kathir. Hein, tafsir d'Ibn Kathir, yani ce qu'on retient du tafsir d'Ibn Kathir, le résumé du tafsir d'Ibn Kathir, on le retrouve dans tafsir de Cheikh Al-Sa'di, rahimahumullah. Et tafsir d'Ibn Kathir, pour info, ben lui, ça date, parce que c'était un élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, jami'an. Il était enterré à côté d'Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir était enterré à côté d'Ibn Taymiyyah, à Damas. Donc ça date, hein, ça fait près plus de 800 ans, 800-900 ans qu'il a vécu. Et lui, son tafsir, il est dit que, ils disent que c'est un résumé du tafsir de l'imam At-Tabari, hein, de Ibn Jarir At-Tabari, rahimallah, al-jami', qui est plus difficile d'accès. Et tafsir Tabari, il n'y a que les grands étudiants et les ulama qui peuvent profiter vraiment de ce tafsir. C'est un tafsir qui est vaste. Qui est vaste. Naam. Donc, Cheikh, il dit, qala sahib al-qawl al-sadid, l'auteur de l'qawl al-sadid a dit, safhat 112, la page 112, wa'alam, anna anwa' al-mahabba thalatha, et sache qu'il y a trois sortes d'amour. Qu'il y a trois sortes d'amour. Al-awwal, hein, pour ceux qui veulent noter, il dit il y a trois sortes d'amour. Al-awwal, mahabbatullah, allati hiya aslul imani wa tawhid. Premier, c'est l'amour d'Allah, qui est la base même de la foi et du monothéisme. Al-thani, deuxième, al-mahabba fillah, l'amour en Allah. Wa hiya mahabbatu anbiya illah wa rusulih wa atba'ihim. Et c'est l'amour qu'on doit aux prophètes et messagers d'Allah et leurs suiveurs. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali wal-azminati wal-amkinati wa ghayriha. وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. Et aussi l'amour de ce qu'Allah aime comme œuvre, temps, lieu et autre chose. Et cet amour en Allah suit l'amour d'Allah et vient à le parfaire, vient à parfaire, à compléter l'amour d'Allah, le premier. Le second, il vient à le parfaire et à le compléter. Le fait d'aimer les prophètes, les messagers, leurs suiveurs et d'aimer ce qu'Allah aime comme action, œuvre, comme temps. Il y a des moments dans le temps, hein, qui sont qu'Allah aime, comme un jour précis, un mois précis, un horaire précis, d'accord ? Et des lieux comme la Mecque, comme Médine, d'accord ? Ou d'autres choses qu'Allah aime. Et cet amour, il suit l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il vient le parfaire et le compléter. C'est clair ? Taïm. Al-thalith, troisième, mahabbatun ma'allah, un amour avec Allah. Wa hiya mahabbatul mushrikina li alihatihim wa andadihim min shajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa ghayriha wa hiya aslu shirki wa asasuh. L'amour avec Allah, c'est l'amour qu'ont les associateurs, les polythéistes envers leur divinité, les égaux, les semblables qu'ils ont donnés à Allah, que ce soit des arbres, que ce soit de la pierre, que ce soit des humains, des anges ou autres. Et cet amour-là, le troisième, l'amour avec Allah, c'est la base même du polythéisme. Et son plus grand pilier, essentiel. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les gens, il y en est qui prennent, qui se donnent des égaux à Allah, des semblables à Allah. Ils les aiment comme on doit aimer Allah. Et ceux qui ont cru ont bien plus d'amour envers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-hadith. Les leçons qu'on retire, qu'on tire de ce hadith. Al-mu'min haqq al-iman. هو الذي يقدم حب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حب الناس. Le croyant qui a atteint la véritable foi, qui a la véritable foi, c'est celui qui fait passer l'amour de l'élu صلى الله عليه وسلم sur l'amour de toutes les personnes. Al-Mustafa, c'est l'élu. Istafa, yastafi, c'est élever, choisir. D'accord ? Et après, les gens, ils en ont fait un prénom. À la base, c'est un adjectif. Hein ? C'est un adjectif qu'on donne au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mustafa, parce qu'il est élu. D'accord ? Puis plus tard, les gens, ils en ont fait un prénom. Sinon, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la base, ce n'était pas connu comme prénom. C'est un adjectif. خَصَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِتَعَلُّقِ الْمَرْءِ بِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَغَيْرِهَا. Dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a précisé l'enfant et le père, père et mère, c'est-à-dire les ascendants et les descendants. Pourquoi ? Parce que c'est en eux qu'il y a le plus d'attache et le plus d'amour. Les gens, tous les gens, normaux, hein, le plus grand amour qu'ils ont, c'est pour leurs propres enfants et pour leurs parents. C'est tout à fait normal, c'est naturel. D'accord ? C'est pour cela que le prophète a précisé cela. Hein, a précisé cela. Que vous voyez l'amour que vous avez pour vos enfants, vous voyez l'amour que vous avez pour vos parents, sachez que pour être un véritable croyant, vous devez avoir un amour pour le prophète encore plus grand. L'amour que vous donnez au prophète, il dépasse cet amour que vous avez pour vos enfants et pour vos parents. Et cet amour qu'on a naturellement, pour la famille, la tribu, pour nos parents, nos grands-parents, pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un amour naturel. Jusque-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas parce que quelqu'un se convertit à l'islam qu'il croit que l'islam lui enseigne de détester ses parents. Il y en a beaucoup, ils sont un peu perdus avec ces sujets. Soit parce qu'ils ignorent, ou soit parce qu'ils sont induits en erreur par d'autres personnes qui ne leur expliquent pas le vrai message de l'islam. L'amour de tes parents, l'islam ne t'en enlève pas. L'amour de tes enfants, il y en a qui se convertissent, ils ont des enfants qui ne sont pas musulmans. Bien que c'est le contraire qu'on remarque le plus souvent, mais sinon il y en a. Cet amour-là, il reste. D'accord ? Et au même moment, tu détestes la mécréance qu'il a. D'accord ? Tu détestes son côté de mécréant, mais tu aimes son côté de père, de mère, donc de tante, de grands-parents et d'enfants. Ça, faut bien comprendre ces questions-là. Un musulman, il est marié avec une chrétienne ou une juive. Il a le droit. D'accord ? À la base, un musulman, un homme, pas une femme. La femme musulmane ne se marie qu'avec un homme musulman. Une des sagesses de cela, c'est qu'à la base, dans la famille, il y a un chef. C'est normal. Pour qu'on puisse bien vivre, il faut une hiérarchie. Et dans une famille, il y a un responsable. Le grand responsable, c'est l'homme de la maison. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il y en a un qui est désigné. Et celui qui est désigné, c'est l'homme, c'est le mari, le responsable. Et le mari a autorité sur son épouse. Et l'épouse, elle doit obéissance à son mari. Et une femme musulmane ne peut être que sous l'autorité d'un homme musulman. Voilà. Sous la responsabilité d'un musulman. Donc elle ne se marie qu'avec un homme musulman. Mais l'homme musulman, il peut se marier avec une femme chrétienne ou une femme juive. D'accord. La femme chrétienne et la femme juive, ce sont des mécréantes. Est-ce qu'il a le droit de l'aimer ? Ben oui. Voyez un homme, je suis avec une femme et je la déteste. Non. Non. Il est marié avec elle, il l'aime. C'est un amour naturel. L'amour qu'a un époux pour son épouse. Et au même moment, il déteste, il se désavoue de ce qu'elle a comme mécréance. C'est aussi simple que ça. C'est un choix. Mais si quelqu'un qui le vit, il faut qu'il comprenne. Voilà. Taïeb. Bon, ça c'était une parenthèse qui, Inch'Allah, a toute son importance. Taïeb. Fi hadha al-hadith, توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به أولا وقبل غيره من الناس وهذا هو الواجب على كل المؤمنين. Dans ce hadith, il y a une directive, un enseignement du messager صلى الله عليه وسلم de suivre ses pas, d'être derrière lui, de le prendre comme exemple. En premier lieu et avant toute autre personne. Et ça, c'est le devoir, l'acte obligatoire pour tous les croyants. Et là vient l'épreuve. Les gens qui ont du mal à se plier au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en essayant de trouver une quelconque excuse, un quelconque prétexte, on dit, ils en trouvent les gens, vous en faites pas, hein, pour se défendre, les gens, hein, ils en trouvent des. Donc parmi lesquels, mais un tel, il connaît, c'est un savant, c'est un faqih, il est reconnu, c'est pas possible que ça lui a échappé. Des phrases et des prétextes que jamais Allah nous a demandé de s'attarder là-dessus. Subhanallah. C'est qui le dernier prophète ? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu me parles de qui ? D'un prophète ? Non. Lui-même, il s'est dit prophète ? Non. Lui-même, il t'a dit de le suivre et de lui obéir comme tu le fais pour le prophète ? Non. Donc, tu t'attaches soi-disant à une personne que lui-même, Yom al-Qiyamah, il se désavouera de toi. Il s'innocentera de toi. Tu vas faire comment? Et puis, y a-t-il une personne qui a amassé toute la science, tout le savoir? Non. Ce que les tabi'in n'ont pas fait avec les sahaba, comment des personnes venues après, on le fera avec eux? Les meilleurs des hommes après les compagnons, ce sont les sahaba. Est-ce que les tabi'in, lorsqu'ils ont appris toutes les vertus et les mérites d'Abu Bakr as-Siddiq, ils ont dit, on veut entendre parler de personne, on s'attache seulement à Abu Bakr? Est-ce qu'il y a les tabi'in qui ont fait ça? Ils en avaient une excuse quand même, hein? Puisque c'est unanime chez Al-Sunnah qu'Abu Bakr c'est le meilleur des hommes après les prophètes. Personne. Juste après, Omar ibn al-Khattab, l'ont-ils fait? Non, ils rapportent de tous les compagnons qu'ils ont rencontrés. N'importe quel compagnon qu'ils ont rencontré, ils rapportent de lui. De la même manière. Subhanallah. Et les compagnons, tous les compagnons, dès qu'on sait qu'il est compagnon, on ne cherche plus après lui. On ne cherche plus après lui. Pourquoi? Parce que as-sahabatu kulluhum udul. Ce sont tous des hommes droits et justes et véridiques. On ne cherche plus. Ce qu'on étudie dans les études du hadith, les narrateurs, qu'est-ce que disent les ulama sur eux? Bon, pas bon, on prend pas. Le hadith, il est authentique, il n'est pas authentique. Ça concerne après les compagnons. Dès qu'on arrive aux compagnons, on ne se pose plus la question. Subhanallah. Eh bien, jamais. Pourquoi? Parce que les sahaba n'ont jamais enseigné cela aux tabi'in. Subhanallah, jamais. Et les atba' tabi'in, ils ont la meilleure génération face à eux, après la génération des compagnons. Ont-ils pris un homme et se sont attardés dessus? Non. Subhanallah. Donc, cet soi-disant attachement à un savant convenable, à un imam de la guider, ce n'est pas l'islam qui nous l'enseigne. Ça, c'est un attachement aveugle qui est interdit en islam. Il est interdit de suivre un homme comme on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que dire quand c'est des gens de l'égarement? Quand c'est des gens de l'innovation? Là, on parle de gens de la guider. On n'a pas le droit de prendre leurs paroles comptant. Non. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent Al-alim yuhtajju lahu. Le savant, il faut qu'on lui il ramène les preuves, les arguments de ce qu'il avance. Parce que sa parole, elle n'est pas au-dessus de la parole de quelqu'un d'autre. En tant que parole. Et on a beaucoup de paroles d'imams. C'est les quatre imams qui sont célèbres et connus. Ils n'étaient pas seuls. À leur époque, le premier et deuxième siècle de l'islam, partout il y avait des imams. Partout il y avait des ulamas. Chaque région, chaque ville, en général, elles avaient leur imam, la référence vers qui ils retournaient. Taïb. Mais les élèves, il y en a qui ont gardé, ils ont préservé l'héritage d'un savant, d'autres ne l'ont pas fait. Et donc certains sont devenus plus célèbres que d'autres. Puis après, il y a des raisons politiques. Il y a des gouvernants, des autorités qui ont privilégié les opinions, les avis d'un savant sur un autre. Donc, ils ont imposé que ce soit ces avis-là qui soient suivis. Et on a mis des juges ou des imams, ou des mouftis qui suivaient les opinions, les avis de tels savants. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans une région avec les habitants suivre un madhhab par rapport à notre madhhab. L'imam Malik à titre d'exemple, rahimahullah. Un pur médinois. Il est né à Médine. Il a vécu à Médine. Il est mort à Médine. Et il est enterré à Médine. Jamais il a été en Afrique noire. Ni au Sénégal, ni au Mali, et jamais il est arrivé au Maghreb, ni en Espagne, en Andalousie, jamais. Aujourd'hui, quand on entend le Maghreb, l'Afrique noire, de l'Ouest, Malikite, Malikite, Malikite, les gens peuvent même penser que c'était un imam qui vivait au Maghreb. Jamais, il n'a jamais mis ses pieds au Maghreb. Pour des raisons, son madhab, ses opinions, se sont propagées dans cette région. Subhanallah. Taïb. Mais l'imam Malik n'a jamais demandé aux gens de s'attarder. Quand le calife lui a demandé qu'il lui donne la permission d'imposer Al-Muwatta sur toutes les contrées, il lui a dit non. Les sahaba se sont dispersés dans les terres. Et chacun est parti avec le savoir qu'il avait. Donc, dans une région, il y a peut-être des hadiths qui échappent à celui qui est dans telle région. Pourquoi les ulama de l'hadith, ils voyageaient? Ils allaient chercher des hadiths qu'ils n'ont pas appris ou entendus là où ils étaient. Donc ne vous faites pas avoir par des gens qui disent « Non, mais nous, on ne prend pas des savants contemporains. » Déjà, toi, tu es un contemporain, on ne prend pas de toi. Ça, c'est réglé. Hein? C'est le sujet, il est clos. Tu ne dois même pas parler. Tu me donnes un livre et tu te tais. Voilà, le livre, il date de quand? C'est bon, je peux le lire. Mais toi, tu ne me parles pas. Tu n'as rien à me dire. Alors, de dire, on ne prend pas des savants contemporains. Donc, il dit les savants. Donc, il reconnaît c'est des savants. Lui, toi, tu ne l'es pas. Tu n'es pas parmi les savants. Tu oses prendre la parole, de prendre les devants, hein, de ramener des choses de toi-même, ou on ne sait de qui, mais tu ne veux pas dire le nom de qui tu les ramènes, pour des raisons que lui-même sait. Hein? Ça, on entend, c'est des paroles qu'on entend. Subhanallah. Et il dit, non, mais nous, on prend chez les anciens. C'est pas vrai. Tu fais croire aux gens que tu ramènes des anciens. Mais c'est ton opinion à toi que tu ramènes. C'est ton explication à toi que tu ramènes. C'est les avis que toi tu veux que tu ramènes. Subhanallah. Donc ne vous faites pas avoir par des gens qui vous font croire des choses qui n'existent pas dans la religion. Ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Il est dit de suivre un madhhab quelconque. Ça n'existe pas. On ne suit un madhhab que comme on suit un savant. D'accord ? Et on suit parce que c'est conforme au texte du Coran et de la Sunna. Ou ce sont des opinions dans lesquelles il y a une divergence acceptée et provenant d'imams et de savants reconnus. C'est tout. Ni plus ni moins. Avec tout le respect qu'on a pour les savants, mais on n'a pas le droit d'en faire des prophètes. C'est interdit. Subhanallah. Et c'est pour cela que... certains le précisent en disant Tawhid al-Mutaba'a. Tawhid al-Mutaba'a, c'est-à-dire que la façon qu'on suit, la manière de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est donnée à aucune autre personne. Elle est unique. C'est qu'au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Lorsqu'on vous dit Qala Rasulullah, il ne faut pas dire ouais, mais tel imam il a dit ou tel savant il a dit. On n'a pas le droit de repousser. Éloigner la parole du prophète sallam avec la parole de quelqu'un d'autre. Yani Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. C'est Ibn Abbas peut-être. Ibn Abbas, lorsqu'on lui dit, voilà Ibn Omar, on lui dit, que dis-tu sur une question de l'hajj, sur le pèlerinage? Il répond avec un hadith. Il ramène un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est le tabi'i là, il dit, mais Abu Bakr et Omar, ils ne disent pas comme ça. Cet homme, il a cité le nom de qui? Des meilleurs des hommes après les prophètes. Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'il a dit le sahabi? Il a dit, malheur à toi. Je crains que des pierres te tombent dessus du ciel. Je dis, le messager d'Allah a dit, et tu oses me dire, Abu Bakr et Omar ont dit. Ça, c'est un enseignement. L'imam Malik, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'homme vient le voir, il lui dit, « Ô imam, je veux me mettre en état de sacralisation. D'où est-ce que je dois le faire ?» Il lui a dit, « Depuis Dhul-Hulayfa, le lieu où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en état de sacralisation. » Il lui a dit, « Moi, je veux le faire depuis la mosquée. » Depuis la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik lui a dit, ne le fais pas. Je crains le trouble pour toi. Il lui a dit, mais quel trouble va me toucher? Ce n'est qu'une distance des kilomètres, des milles. que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. Au lieu d'être en état d'occasion depuis tel endroit, je le fais bien avant. Je suis dans l'obéissance d'Allah bien avant. Hein, beaucoup de gens qui ne jugent pas selon la vraie balance. Mais il est où le mal? Vous empêchez les gens de faire du bien. Il est où le mal? Il est où le mal? L'ignorance qui parle. L'imam Malik, rahmallah, lui a dit, je crains que tel verset ne te touche. Puis il a cité le verset où Allah dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Oh, un tel, penses-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? C'est-à-dire, tu te prends pour qui? Tu crois qu'il t'a donné quelque chose que le prophète il n'a pas eu? Le prophète nous a dit de le faire de tel endroit. Toi, tu arrives plus tard, tu dis non, moi j'ai une meilleure idée. C'est un sujet sur lequel n'importe qui peut parler. Subhanallah. C'est grave. Crois-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Sache que ce qui n'était pas une religion à leur époque ne sera pas une religion aujourd'hui. C'est une règle. Ce qui n'était pas une religion à leur époque ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir que ce par quoi ont réussi les premiers de cette communauté. أَتَظُنُّ أَنَّكَ اخْتُصْتَ بِشَيْءٍ لَمْ يُخْتَصْ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. C'est des règles. طيب. On va s'arrêter là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, si ça ne vous dérange pas, bismillah, hier on avait fait l'annonce, on l'a refait aujourd'hui. Barakallahu fikum. Il y a le frère Abdelkarim Abou Abdillah qui a, je répète, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui a perdu son père il y a quelques jours. Vendredi, on a fait ça, c'était Janaza. Si des frères peuvent aider financièrement pour l'aider pour les funérailles, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. S'il y a un frère qui peut, tu peux, Inch'Allah, il y a le frère. Il se mettra devant la porte, Inch'Allah, pour pouvoir remettre cette somme au frère pour l'aider dans ces moments difficiles.